sommes dimanche le 3 février 2018. Merci de votre fidélité et bienvenue dans ce journal que vous pouvez également suivre via notre site internet le www.isanganiro, dont voici d'abord les grands titres. Au moment où les Burundais commémorent le 5 février sur le 27e anniversaire de la Charte de l'Unité Nationale, le vice-président du parti Tshaonia Kodewu explique que cette dernière a permis de résoudre certaines questions comme celles relatives à l'encouragement des divisions ethniques. Vous entendrez Léon Sengetaroumana tout au début de ce journal. À la une également, aucun nouveau réfugié fuyant les combats entre FRDC et rebelles Maïmaï n'a été recensé au port commercial de Lumongue depuis ce mercredi. Notre correspondant au sud du pays, Jean-Pierre Misago, nous en dira plus. Enfin, en page et agriculture, les autorités de la province de Bouvanza appellent la population à bien gérer, à ne pas gaspiller les produits vivriers en ce moment de récolte pour éviter la disette, mais aussi pour ne pas manquer les semences pour la saison culturelle. Voilà, chers fidèles auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro, l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, les détails du côté de la belle vitrine Eli Kadogo à la présentation de ce journal, Evrard Hazialiman. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Bienvenue encore une fois dans ce journal de ce dimanche, je vous le disais en titre. La Charte de l'Unité Nationale a permis de résoudre certaines questions, comme celle relative à l'encouragement des divisions ethniques. Propos du premier vice-président du parti Tshaonia Kodewu, au moment où les Burundais commémorent ce 5 février le 27e anniversaire de la Charte de l'Unité Nationale. Léon Sengetaroumana indique qu'il garde espoir que les idéaux de l'unité et de la cohésion un jour atteints, même s'il y a des gens qui tentent toujours de diviser les Burundais. C'est plutôt Léon Sengetaroumana au micro de mon confrère Aban Nyongu. Quand nous avons négocié cette charte de l'unité nationale, c'est parce que beaucoup de Burundais ont évalué la situation sociopolitique que le Burundi traversait à l'époque. On a vu que l'exclusion avait été à la base du vécu quotidien des Burundais et ça avait provoqué des massacres cycliques. Et c'est pour cette raison que nous avons signé une charte, mais malheureusement, cette charte n'avait pas suffisamment de force. Mais progressivement, ça a donné naissance à une constitution multipartite basée sur la démocratie. Des problèmes ont surgi pour ceux qui n'avaient pas bien intériorisé que nous devons changer de système politique sans entrer même en guerre. Mais au bout du compte, nous avons pu signer un accord d'Arusha qui consacre un système politique inclusif, qui inclut les femmes, qui inclut les jeunes, qui inclut les partis politiques et qui inclut les ethnies. Si on regarde les acquis qui sont contenus dans l'accord d'Arusha, malgré la tentative de certains, de ceux qui sont au pouvoir, d'imposer encore une fois la logique ethnique et la logique militaire dans un pays, on voit qu'il y a des gens qui se mettent ensemble pour tout aussi, toi et autres, pour refuser cela. Ça veut dire quand même que l'esprit d'unité et de cohésion des Burundais est bel et bien là. Il reste tout simplement à consolider cela. C'est tout un processus, comme vous l'avez dit. Nous sommes dans un processus. Et je suis sûr que dans les prochains jours, nous allons aboutir à cet idéal au moins à 80%. Nous n'avons pas d'autre choix que de cohabiter ensemble dans nos diversités, dans nos différences. J'encourage tout le monde à se mettre ensemble pour que nous constituions une force suffisante, comme je l'ai dit, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui ne sont pas au pouvoir, pour refuser tout ce qui peut ou peuvent remettre en cause les acquis de l'accord d'Arusha, qui sont les acquis de cette charte d'unité nationale. Léon Sengetaroumana, c'est le vice-président du parti Tshaonia Kodewu. Et le parti Iprona appelle les autorités publiques à considérer tous les Burundais au même pied d'égalité pour renforcer l'unité nationale. Abel Gachati, président de ce parti, indique que le mal burundais a été depuis longtemps l'exclusion et estime que les acteurs politiques et toute institution habilitée devraient œuvrer dans le sens de préserver les acquis de l'unité nationale votés il y a cela 27 ans. Il note que la cohabitation entre les composantes ethniques est de mise. On l'écoute. Cette charte a été adoptée, signée en 1991, mais en 1993, c'est-à-dire 2 ans après, il y a eu quand même des difficultés. Le pays s'est plongé dans des difficultés, dans le chaos. Mais quand même, on peut affirmer aujourd'hui qu'il y a une avancée significative à voir comment le peuple cohabite. Et à Hutu, tout citoyen, il se trouve aux activités, il travaille ensemble dans les écoles, dans les marchés, dans les différents services. On voit qu'il n'y a pas de problème aujourd'hui entre les composantes ethniques du pays. Pour dire qu'aujourd'hui, l'unité est là. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun défi par rapport à l'unité nationale? Non, des problèmes ne peuvent pas manquer, bien sûr. Je pense que l'unité est là, mais on doit quand même la sauvegarder, l'entretenir. Entretenir l'unité, c'est-à-dire considérer tout le peuple burundais au même pied d'égalité. Donc, on ne peut pas dire que tout est parfait, mais quand même, on peut affirmer que le pays est calme, que les Hutus, les Tutsis, les Twa cohabitent ensemble. Et il n'y a pas de complexe entre la population burundaise. Chacun est fier de sa provenance ethnique. Tout n'est pas parfait. Qu'est-ce qui peut être rendu parfait? Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être fait justement pour que les acquis de l'unité nationale puissent être préservés? C'est que les Burundais et Hutu Tutsi Twa soient considérés au même pied d'égalité, car on l'a observé dans le passé, ce qui a plongé notre pays dans le chaos, c'était l'explosion d'un groupe ou d'une composante ethnique. Donc, il faut que l'administration, il faut que tout Burundais se sente qu'il est fils ou fille de cette nation et que l'administration veille à ce que tout le monde soit considéré au même pied d'égalité. Abere Gachati, le président du parti de Guagasore, répondait aux questions de mon confrère Joseph Saviavand. Et sans transition, la question des pensions reste une préoccupation du ministère de la Solidarité Nationale. Le ministre Martin Saviavand fait savoir que le niveau des pensions aujourd'hui est bas, mais que l'équilibre financier est à préserver. Lors de la présentation des réalisations de 2017, le ministre Saviavand a promis qu'après les études qui sont en train d'être faites, ils pourront voir à quel niveau vont remonter le niveau des pensions données aux retraités. Martin Nivjava. La question des pensions est une question très importante, c'est une question qui préoccupe le gouvernement et en l'occurrence le ministère qui s'occupe de ce secteur. Et le niveau des pensions est bas, mais comme vous le savez, il y a l'équilibre financier à préserver au niveau des pensions, au niveau des institutions des pensions. On ne peut pas passer par autre chemin que mener des études actuarielles. On a mené des études actuarielles au niveau de l'unité de la fonction publique. On va mener des études actuarielles au niveau de l'INSS pour cette année. On projette mener des études actuarielles au niveau de l'ONPR. À partir des conclusions, on pourra voir à quel niveau nous pouvons remonter le niveau des pensions qui sont données à ce qui vaut à la retraite. Sinon, c'est une question pertinente. C'est une question aussi qui est liée au régime des cotisations. Ça a été soulevé par les employés, où les cotisations se font au niveau du salaire de base, au lieu d'être fait sur le salaire brut. C'est une question qui est sur la table des institutions. Nous pensons que dans un cadre de dialogue social, nous pourrons trouver des solutions. Mais ici, il ne faudrait pas se faire des illusions. La question des pensions, c'est une question qui est toujours préoccupante au niveau des différents gouvernements dans ce monde. Le ministre de la Solidarité Nationale, Martin Nivyavandi, dont les propos ont été recueillis par ma consoeur Francine Ndihokougaï. On va marquer une courte pause avant de parler les nouvelles des provinces. Aucun nouveau réfugié fuyant les combats entre FRDC et Rebelle Maïmaï n'a été recensé au port commercial de Rumonge depuis ce mercredi. La sécurité se rétablirait dans les localités tombées sous le contrôle gouvernemental, selon la police à Rumonge. Mais les usagers de ce port commercial de Rumonge attendent toujours la prise des échanges commerciaux, n'est-ce pas Jean-Pierre Missab? Des sources policières à Rumonge indiquent qu'un nouveau réfugié congolais ou burundais fuyant les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les combattants Maïmaï a été enregistré au port commercial de Rumonge depuis ce mercredi. Les localités où ont éclaté ces affrontements, à savoir Sebele, Kazimia, Kalamba et Mizimu, seraient en effet relativement calmes après être tombés sous le contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Conséquence à Rumonge, l'hygiène s'est nettement améliorée autour des enceintes abritant le parquet et le tribunal de grande instance de Rumonge, côtoyant un des deux centres d'accueil de ces réfugiés dans la ville de Rumonge et un nouveau centre qui va désormais accueillir des réfugiés a été érigé à Makombe sur la colline Mutambara à environ 6 km direction sud de la ville de Rumonge. Mais le trafic des marchandises entre Rumonge et ses localités du sud de Kivu n'a pas encore repris, sauf un seul bateau envoyé par les forces armées de la République démocratique du Congo positionné à Kazimia qui a accosté à Rumonge ce vendredi à la recherche de l'huile de palme comme le confirment certains agents de l'autorité maritime portuaire et ferroviaire à Rumonge et les personnes qui vivaient de ce port désespèrent. Même si des combats auraient repris depuis ce vendredi dans les montagnes surplombant Baraka, il y a espoir que le commerce entre ces localités relativement calmes et Rumonge reprenne dès la semaine prochaine selon des sources policières Rumonge qui indiquent que 34 des 38 hommes suspects qui s'étaient réfugiés à Rumonge ce mardi ont été remis à leur pays d'origine. Les 4 restants reçoivent des soins, sont dans les mains du CICR selon ces sources. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Restons dans votre province, Misago, pour parler de la pénurie d'eau potable. Pénurie d'eau potable dans presque toute la ville de Rumonge depuis l'après-midi de ce mercredi. À l'origine, des tuyaux qui proviennent des points d'eau captage de Burambi se sont cassés lors des pluies intenses de la nuit de ce mardi. Clovis Mourengueramouari, responsable de la régie des eaux, centre Rumonge, informe que la réparation de ces tuyaux est terminée et la distribution d'eau potable dans la ville de Rumonge peut reprendre à tout moment. Les autorités de la province de Bouvanza appellent la population à bien gérer, à ne pas gaspiller les produits vivriers en ce moment des récoltes pour éviter la disette, mais aussi pour ne pas manquer les semences pour la saison culturelle prochaine. Tarsis Nyongawo, gouverneur de province, précise également que personne ne pourra transporter le riz padi vers d'autres provinces. Même le communiqué est déjà parvenu à tous les administratifs pour la mise en exécution de la mesure. Spécialité Caritas Kawanyan. La récolte d'eau haricots bat son plein dans cette province de Bouvanza, dans presque tous les coins, et bientôt celle de maïs et de riz. Les autorités administratives appellent la population à bien gérer ces récoltes dans le but d'éviter une disette, mais aussi pour préparer les prochaines semences. Ils peuvent conserver ces produits vivriers dans leur maison ou dans des hangars de stockage, selon le gouverneur de la province de Bouvanza. Tarsis Nyongao précise également que la mesure est déjà prise. Personne ne pourra transporter le riz padi vers d'autres provinces. Le communiqué est déjà parvenu à tous les administrateurs pour mettre en application cette mesure en collaboration avec les forces de l'ordre. Non seulement le riz reste sert et même presque introuvable dans cette province qui en produit quand on laisse les récoltes partir ailleurs, mais aussi la population a besoin des produits dérivés du riz décortiqué tels que le sang de riz et autres. Des machines décortiqueuses sont donc déjà implantées dans plusieurs localités de Bouvanza par les cultivateurs qui ont déjà compris la mesure selon le gouverneur. Il se remarque que ces derniers jours, Kawanyana, une pénurie de la boisson Primus de 72 centilitres dans plusieurs dépôts de la province de Bouvanza. Les petits commerçants ont de la peine à pouvoir en trouver quelquefois. Ils sont obligés d'acheter aussi des casiers d'eau Fanta, comme se lamentent les commerçants des taillades d'eau Gihang. De leur côté, les détenteurs des dépôts précisent qu'ils reçoivent une petite quantité de Primus ces derniers jours. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Vous écoutez Radio Isanganiro dans les nouvelles des provinces. Le manque de craie s'observe ces jours-ci dans les écoles fondamentales de la province scolaire de Karusi. Les éducateurs et les parents déplorent que cela s'ajoute au manque d'enseignants encore criant et que cette paralysie se prolonge jusqu'au milieu de l'année scolaire. Les responsables de l'enseignement dans cette province se tranquillisent un peu en affirmant que les craies viennent de leur arriver à la fin de cette semaine. Donc, à vous aussi, nous appelons notre correspondant Blaise Pascal Kararumi. Certains des enseignants des différentes écoles fondamentales de la province Karusi regrettent le manque de craies comme matériel didactique. Ils indiquent qu'ils font la magistrale comme méthode d'enseignement suite à son manque de craies. Les élèves grognent qu'ils rentrent à la maison sans comprendre la matière enseignée, ce qui est confirmé par les spécialistes de la pédagogie qui expliquent que cette méthode n'est pas mieux indiquée pour les enfants de l'école fondamentale. Confirmé par certains directeurs contactés, Il faut savoir que son manque de crédit est lié au retard des frais de fonctionnement de l'État et signale aussi que les crédits étaient habituellement donnés par le ministère de tutelle dès le début de l'année scolaire. Les parents des élèves et les éducateurs déplorent que le manque de crédit vient empirer la situation dans les écoles de la province, signalant qu'ils souffraient cruellement du manque d'enseignants alors que l'année scolaire arrive à sa moitié. L'inspecteur provincial de l'enseignement tranquillise un peu en disant que les crédits leur sont déjà arrivés à la fin de cette semaine et qu'ils seront distribués dans les différentes directions communales de l'enseignement de la province avec le début de cette semaine. Pour le manque des enseignants, il faut attendre le recrutement au niveau du ministère. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour Radio Sanganiro. Autre province, autre nouvelle Kararoumié, des sources d'eau qui alimentent la ville d'Ongozi sont menacées par des déchets ici de certains restaurants et la auto du chef-lieu de cette province, puis conduit par des rigoles pour polluer ces sources d'eau. L'antenne de l'OPD à Ngozi conseille aux responsables de cette pollution de construire des puisards à l'intérieur de leur parcelle pour contenir ces déchets afin d'éviter des sanctions prévues dans le code de l'eau. Apollinaire Mouzakar. La ville d'Ngozi est alimentée en eau par deux sources d'eau, à savoir Kimanga et Dharmagagwa, se trouvant dans les marais entourant le chef-lieu de la province Ngozi. Dès le pavage des différentes rues de cette ville, des rigoles conduisant l'eau de pluie de la ville vers ces marais ont été érigés. Certains des restaurants et lieux où on lave des véhicules et motos en ont profité pour déverser des déchets dans ces rigoles, puis acheminer vers ces sources d'eau. J'ajoute aussi d'autres déchets issus de l'abattoir et de la prison pour hommes d'Ngozi qui polluent ces sources d'eau, ce qui constitue un danger pour la santé des consommateurs de cette eau. Présent Télésport Kalibgami de l'Office burundais pour la protection de l'environnement en Ngozi. Il conseille à cesser la mise en place des puisards à l'intérieur de leur parcelle pour contenir ces déchets qui polluent ces sources. Il précise que l'article 52 du Code de l'eau au Burundi interdit toute pollution des cours d'eau et prévoit des sanctions même aux responsables de cette police d'Ngozi, Apone Mutagara, Radio Isanganiro. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Oui, c'est sur ce site que vous nous captez depuis Dakar, la capitale sénégalaise. Macron à Dakar. La seule réponse est d'obscurantisme et au fondamentalisme, c'est l'éducation. Très attendu sur le sujet, le président français a annoncé une contribution de la France au partenariat mondial pour l'éducation de Culpé. Comme nous le lisons sur BBC Afrique, pendant la campagne présidentielle française, Emmanuel Macron avait promis de co-présider à l'invitation de Macky Sall, ce seul fonds international entièrement consacré à ce sujet s'il était élu, je cite, « s'il n'y avait pas d'autre choix que d'être là », fin de citation, a-t-il ainsi lancé au Centre international de conférence d'Abdou Diouf devant 8 chefs d'État et de gouvernement africains, dont le Malien Ibrahim Boubacar Keïta, le Tchadien Idriss Déby ou encore le Burkinabé, Loch Marc Christian Kaboli. Et voilà, c'est sur cette actualité internationale que nous bouclons la boucle de ce journal. Mais avant de nous séparer, un petit rappel des titres. Au moment où les Burundais commémorent le 5 février, le 27e anniversaire de la Charte de l'Unité Nationale, le vice-président du parti, Sahwania Frodibou, explique que cette dernière a permis de résoudre certaines questions, comme celles relatives à l'encouragement des divisions ethniques. Vous avez entendu Léonce Nguyen-Dakouman. À la une également qu'un nouveau réfugié fuyant le combat entre FRDC et Robert Maïmaïna a été recensé au port commercial de Dorumongue depuis ce mercredi. Notre correspondant aussi des pays, Jean-Pierre Mistago nous en dit plus. Enfin, en page agriculture, les autorités de la province de Ouvanza appellent la population à bien gérer, à ne pas gaspiller les produits vivriers en ce moment de récolte pour éviter la disette, mais aussi pour ne pas manquer les semences pour la saison culturelle. Ainsi se referme ce journal. Merci. Merci de votre aimable attention. Merci aussi à toutes les équipes rédactionnaires et techniques qui m'ont aidé à le réaliser, à le présenter. Au micro, vous étiez avec Evrard Haviarimana. Excellent week-end à tous et ne tournez pas le bouton. Nos programmes continuent sur Isanganiro. Vue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous situez. Tiendront-ils ? titre le journal Iwacu à une de sa couverture en faisant allusion au leader de l'opposition burundaise qui se dit être réuni contre le processus référendaire. Les leaders de l'opposition interne et ceux en exil se sont en effet réunis du 26 au 27 janvier cette année à Nairobi au Kenya pour cet objectif. L'idée originale trouvée lors de cette rencontre est d'oublier tout ce qui sépare l'opposition de Bujumbura et celle en exil. Iwacu écrit que les participants ont décidé de continuer la lutte contre le référendum, considérant que le moment n'est pas propice pour la révision de la Constitution. Selon toujours Iwacu, certains ténors du Sénared avaient auparavant fustigé l'organisation de cette rencontre. Ils ont adressé une correspondance au président du Sénared, Jean Minani, disant être inquiet de sa manière de diriger la plateforme et l'organisation de la rencontre de Nairobi. Le gouvernement burundais considère que l'opposition burundaise n'aboutira à rien et l'assistant du ministre de l'Intérieur précise que le Burundi compte 32 partis politiques et 2 partis seulement étaient à Nairobi, rapporte le journal Iwacu. Transport rémunéré des personnes en échange qui devient source de querelles, constate le journal Burundi Echo. En effet, après la hausse du prix du ticket de transport au cours du mois de janvier 2018, ce journal fait remarquer que certains transporteurs disent qu'il manque de billets de 20 francs ou de pièces de 10 francs à remettre aux clients qui payent 400 francs pour le ticket fixé à 380 francs bout pour quelques trajets, ce qui crée des malentendus entre les rabatteurs et les clients. Mais d'après ce journal spécialisé en économie et citant Clément Boutoke, chef du service analyse fiduciaire et émissions monétaires, la Banque de la République du Burundi, BRB, dispose d'un stock suffisant de pièces de 50 francs, de 10 francs et de 5 francs burundais. Comme le besoin se fait sentir, la Banque centrale va retravailler leur circuit de distribution afin que les commerçants s'en approvisionnent dans les banques commerciales et dans les microfinances. L'accueil de réfugiés congolais, diversement apprécié, écrit l'agence en ligne NetPress. Depuis que les Congolais ont fait irruption au Burundi de façon massive ces derniers jours, le Burundi a été obligé d'aménager des sites d'accueil ici et là dans le pays. Ainsi, les Congolais qui se trouvent dans la commune de Mabanda en province Makamba apprécient en général l'accueil qui leur a été réservé, mais deviennent de plus en plus exigeants. NetPress précise que certains voudraient qu'ils soient traités comme des citoyens burundais au moment où d'autres estiment qu'ils tombent malades à cause de la nourriture qui leur est servie, notamment le haricot mélangé au chou avec de la pâte de maïs. D'après leur déclaration reprise par cette agence en ligne, ils ont des maux de ventre car ils ne sont pas habitués à de tels repas. Il y en a qui sont malgré cela aux anges et qui disent que tout va bien là où ils sont et remercient vivement les autorités burundaises qui n'ont rien ménagé pour qu'ils soient très bien traités. Revue de la presse. Le lycée Dilac a fait jouer une mercenaire en basketball au cours d'un championnat interscolaire, écrit le journal La Voix de l'enseignant. L'équipe féminine de basketball du lycée Dilac Tanganyika de Bujumbura avait fait jouer en effet une élève régulièrement inscrite dans un autre établissement lors du match l'opposant à l'équipe du lycée Bugizo, c'était le 23 janvier cette année, ce qui a permis de livrer le match pour le compte et au bénéfice du lycée Dilac Tanganyika. Le président de la commission technique a rendu la sentence devant les parties des deux écoles en rappelant qu'en pratique et à titre exceptionnel, il est admis qu'une élève d'une école fondamentale preste pour un autre établissement, mais les écoles dotées d'un cycle de poste fondamental dérogent à cette tradition légitime. La Voix de l'enseignant rapporte cette conclusion, à savoir que la victoire du 23 janvier devrait donc être muée en défaite et c'est le lycée Skeppers qui devrait continuer le cours de compétition. Révolte des représentants du lycée du Lac qui font recours auprès du directeur provincial de l'enseignement ayant qualité de président de la zone sportive, le représentant du lycée du Lac assurant la vice-présidence. Le président de la zone renverse la vapeur en confirmant la victoire frauduleuse du lycée du Lac Tanganyika, rapporte le journal La Voix de l'enseignant. On termine cette revue de presse par le groupe de presse Iwacu qui a consacré l'éditorial de sa parution du vendredi dernier à l'inhumation ce jeudi avec tous les honneurs de la mère, du héros, de la démocratie, en rappelant comment cette brave dame s'est levée aux côtés de son mari pour faire comme un rempart à la folie collective afin d'éviter une effusion de sang sur la terre natale du président Melchior Ndadaye qui venait d'être assassiné en 1993 alors qu'ailleurs le pays brûlait presque littéralement. L'éditorialiste d'Iwatch fait remarquer que cette grande dame a toujours prôné la réconciliation malgré sa blessure de n'avoir jamais connu la vérité sur l'assassinat de son fils. Les plus hautes autorités qui ont rendu des hommages appuyés, c'est très bien, reconnaît l'éditorialiste, mais pour lui, certains pourraient faire mieux, à savoir s'inspirer de ce couple, Pi et Thérèse Ndadaye, ce couple digne qui n'a jamais prôné la violence. Ainsi se referme cette revue de presse qui vous a été préparée et présentée par Alain Désiré Boukéeneza et Jean Bosco Ndouimana. À la prochaine. Revue de la presse.